tu me mens. Tu me mens. Ah, ah, ah, ah. Je me rappelle de ton regard quand tu as dû partir. Il faisait froid, il était tard. Je me forçais à sourire. Je t'ai regardé t'en aller avec des sangles plein la voix. Je n'ai jamais pu t'oublier. Là-bas, penses-tu à moi? Je viendrai te retrouver. Yeah, on pourra yeah. Tout chose qui me rapprocherait de toi. Je veux revoir la vie en